heures et les secondes. Si nos cœurs battent séparés, oh mon amour, au corps si tendre, à quoi me sert ce grand lit, à quoi me sert de m'y étendre si tu es loin de moi la nuit. T'emmène dans mon île, elle est déserte, elle t'attend. Jusque ses heures.